La figure de M. de Vaudran portait l'empreinte de sa vie. Elle était noble, fine, un peu tendue. Ses yeux couvaient un feu amorti par les disgrâces. Ses lèvres avaient le pli du dédain philosophique contre la destinée, qu'on subit mais qu'on méprise. On lisait sur sa physionomie ce mot de Machiavel sur la fortune « Je donne carrière à sa malignité, satisfait qu'elle me foule ainsi aux pieds, pour voir si à la fin elle n'en aura pas quelque honte. » Sa voix était grave, ses expressions choisies. Sa politesse un peu compassée rappelait la cour de Versailles dans un hameau de nos montagnes. Son costume, disait l'homme de distinction qui respectait son passé dans sa déchéance. Sa chevelure était relevée en boucles crêpées et poudrées sur les deux tempes. Il tenait d'une main son chapeau entouré d'une ganse noire à boucles d'argent. Son habit gris, à boutons d'acier taillés à facettes, s'ouvrait sur un gilet blanc à longue poche. Ses souliers étaient noués sous le coup de pied par des agrafes d'argent. Il portait un jonc à longue pomme d'or à la main.